La légende de la comtesse de Béthune par Eugène Moret. L'homme va où il plaît à Dieu. Roi, grand seigneur ou vilain, la destinée est implacable pour tous et ne fait grâce souvent qu'aux plus misérables. Tant pis pour ceux-là, qui, comme Xerxès, font battre de verges la mer en courroux et traînent à leur suite des populations d'esclaves. Seuls, ils se retrouvent dans l'immensité. Charles VI, roi de France, n'est roi que de nom, comme plus tard François II, Charles IX, Henri III et Isabeau de Bavière commandent en son lieu et place. Le pauvre roi, on le déshabille et on le couche de force comme un enfant, et on l'effraie dans son vieil hôtel de Saint-Paul avec l'image du diable. Tout le bonheur d'un grand de la terre est dans la tendresse qu'il porte à la fille d'un marchand de chevaux qu'on laisse approcher de lui pour le distraire. Un souvenir à Odette de Champs d'Hiver qui a fait sourire un roi de France. Charles VII, autre roi, ne fait qu'un rêve, être aimé de la blonde et mélancolique Agnès Sorel, et dans la crainte d'être empoisonné par le dauphin à son fils, il se laissa mourir de faim. Louis XI est roi à son tour. Le remords le jette au fond de sa vieille forteresse de Plessis-les-Tours, qui devient sa prison. Là, la fièvre le cloue sur un grabat. Il pleure, il prie, et le froid le mord sous son pourpoint usé et le fait grelotter. C'est un roi de France, cependant. Un jour il meurt, torturé par un mal horrible qui ne lui laissa ni trêve ni repos. Charles VIII régna. C'est l'homme le plus puissant du royaume. Il lui faut oublier Marguerite d'Autriche qu'il aime et, par raison d'état, épouser Anne de Bretagne qu'il déteste. Désillusionné, morose, chagrin, Charles VIII meurt à 28 ans. Ainsi il en est des rois, ainsi il en est de tous les superbes de ce monde. Alors Louis, 12e du nom, héritier présomptif du trône, succédait à Charles VIII, et pour les mêmes raisons qui avaient déterminé ce dernier, il épousa la reine Anne, tout drapée encore dans ses longs vêtements de deuil. De grandes réjouissances furent ordonnées dans les principales villes du royaume. Le lendemain des fêtes publiques, alors que tout rentrait dans l'ordre accoutumé, le comte Gaëtan de Béthune, qui depuis 17 ans n'avait point quitté le vieux château fort de ses terres, situé aux portes de Bourges, fit appeler Messire Jehan, son fils, et il eut avec lui cet entretien intime. « Messire, lui dit-il, d'une voix solennelle après qu'il lui permit de s'asseoir en sa présence, j'ai eu hier 73 ans, et les douleurs que j'éprouve me sont un avertissement de Dieu. Il va bientôt m'appeler à lui, mon père. C'est pourquoi, Messire mon fils, reprit le septuagénaire, je vous ai fait mander afin de vous instruire de mes intentions. Laissez-moi d'abord vous dire que je suis satisfait de votre conduite. Vous montez à cheval le plus fougueux sans crainte d'être désarçonné. Il n'est pas à la cour du roi Louis un écuyer capable de vous égaler, et vous fournissez de longues courses sans paraître être abattu, mon père. C'est bien, je suis content de vous. L'épée dans vos mains est une arme dangereuse pour vos adversaires, et vous maniez la lance comme un preux chevalier. On ne peut rien vous demander de plus et votre éducation me paraît complète. « Comme messire de Comines, j'aurais voulu devenir savant, » hasarda le jeune de Béthune. « Que me dites-vous là, juste ciel ?» s'écria le vieillard, dont les joues se colorèrent de honte et dont l'œil s'alluma d'éclairs. « Heureusement que votre gouverneur, messire mon fils, était un homme sensé, qu'il connaissait mon horreur profonde pour tout ce qui sent le pédagogue. Grâce à lui, vous n'avez point la cervelle bourrée de grec et de latin, et vous n'êtes point apte à lire couramment dans les bréviaires d'éclairs. Quelle honte pour moi !» fit-il d'une voix plus accentuée. « Si vous eussiez été un de ces gentilshommes lettrés qui citent à tout propos les rhapsodies du vieil Homère ou les églogues de Virgile. Non, vous me ressemblez du tout au tout, et je ne vous crois pas assez d'ennemi de vos titres et du nom que vous portez pour ajouter de votre main un mot d'écriture à la noble signature que vous avez seul le droit de paraffer. Je vous ai obéi, mon père, et je ne sais rien de plus que ce que l'on a bien voulu m'apprendre, » répondit le jeune homme avec amertume. « C'est tout ce qu'il faut à un gentilhomme de votre qualité. Songez que votre père a maison à trois piliers, et que c'est se déshonorer que de descendre au rang des avocats, des prêtres et des médecins, petites gens dont le métier est d'écrire et de discourir. Mais, messire, mon fils, ce n'est point seulement pour recevoir mes félicitations sur votre éducation que vous êtes en ce moment devant moi. Une chose plus sérieuse, et que vous devinez, me préoccupe. Eh bien, vous ne devinez pas ? S'écria le vieillard, qui vit la surprise se peindre sur les traits du jeune homme. « J'avoue, mon père, Vous ne devinez pas qu'il s'agit pour vous d'un mariage ? Un mariage ? Me marier, moi ? Mais je n'y ai jamais songé. » fit le jeune homme avec autant de douleur que d'étonnement. « Et vous avez fort bien fait, » dit le comte Gaëtan de Béthune d'un ton sec et dur. « Ce n'est point au fils, mais au père, que revient la responsabilité d'un acte de cette importance. Je n'ai pas de goût pour le mariage. Cela se comprend, n'y ayant jamais songé. Mais soyez tranquille, le goût vous viendra. J'étais ainsi que vous à votre âge, et cependant j'ai fait comme vous allez faire. J'ai pris femme un jour. Du reste, je ne veux pas vous saisir la gorge et vous marier contre votre bon plaisir. Réfléchissez-y jusqu'à demain et revenez me voir. Dans la soirée, vous aurez l'honneur de m'accompagner chez l'aimable personne que je prétends nommer ma fille. » « Mais, mon père, vous consentez, merci. Je n'attendais pas moins de votre obéissance à mes ordres et de votre affection pour moi. Votre fiancé, du reste, est de bonne noblesse et se présente agréablement. Ce n'est pas moi qui ferai de parti pris le malheur de votre vie et vous introduirai dans une maison entachée de rotures. Confiez-vous donc à moi sur le choix de cette épouse que vous devrez aimer, et dans 8 jours, s'il plaît à Dieu, votre mariage sera célébré avec l'approbation de Sa Majesté Louis XII, notre roi et notre maître. » Ces dernières paroles ayant été dites sur un ton qui ne permettait pas de réplique, Jehan prit le parti le plus simple. Il s'éloigna à reculons, saluant son vénérable père et mettant au plus vite entre eux une respectueuse distance. Cela fait, il oublia toute dignité, prit ses jambes à son cou et courut comme un fou jusqu'à la demeure de Guillemette. Guillemette donnait alors à manger à ses poules et tout en semant ses graines, elle rêvait à Jehan. Il y avait 2 jours qu'elle ne l'avait vue, elle l'attendait. Déjà Guillemette ne pouvait plus vivre sans Jehan et Jehan sans Guillemette. Ce n'était pas la première venue, cette Guillemette. Elle avait pour père un riche cultivateur, le plus riche même de la contrée, et toutes les héritières des fermes voisines lui portaient envie. Mais c'était bien moins pour sa fortune que pour sa beauté qu'on la jalousait. Il n'y avait pas, à 6 lieues à la ronde, une fille plus belle que Guillemette. On la citait jusque dans les paroisses les plus éloignées, et les soupirants se pouvaient compter par centaines. À toutes les fêtes carillonnées, Guillemette entendait de nouvelles déclarations. Le dimanche, à la messe, où elle arrivait la première, et sous la protection de sa tante, une vieille qui n'aimait pas le badinage, tous les garçons du pays se rangeaient sur son passage, puis ils attendaient patiemment et respectueusement la sortie de l'église. Puis, quand Guillemette s'en retournait, chacun la suivait, et arrivé à la ferme, les plus hardis se hasardaient à entrer dans l'intérieur. Ils lui adressaient de beaux compliments mêlés de quelques amers reproches. Mais la réponse de Guillemette était invariable et ne se traduisait que par un refus, toujours gracieux et poli, mais qui n'en était pas moins un refus, au-delà duquel on ne voyait nul espoir. C'est qu'elle avait vraiment, comme tout à l'heure nous le disions, un amour au cœur. Elle aimait Jehan autant que Jehan l'aimait. Cet amour-là lui était venu sans qu'il y prît garde. D'abord, elle avait ri aussi bien du fils du grand seigneur que des fils de simples paysans. Pas si folle, s'était-elle dit, que de m'y laisser prendre. La fille à Grosjean s'est perdue parce qu'elle n'a pas craint d'aimer plus élevé qu'elle. Les hommes n'épousent que les filles de leur condition. Je ne voudrais pas d'un garçon de ferme pour mari. Un gentilhomme ne peut pas vouloir d'une paysanne pour femme. Elle s'était dit tout cela, l'innocente Guillemette. C'était très juste et très sensé. Elle parlait comme un livre et raisonnait comme un juge. Mais son cœur n'écouta pas les conseils de la prudence. Peu à peu, tous les beaux raisonnements s'évanouirent. Jehan triompha de cette indifférence affectée et Guillemette, toute tremblante, se suspendit à son bras. Ensemble, ils se promenèrent sous le grand chêne qui cache le château de la Métairie. Ils eurent de ces entretiens secrets qui leur prouvèrent, à n'en pas douter, que leurs 2 cœurs étaient nés l'un pour l'autre. Jehan parlait comme Guillemette. Guillemette parlait comme Jehan. Jamais sur la terre 2 êtres ne s'étaient mieux compris. Quand Jehan se taisait, Guillemette l'écoutait encore et traduisait son silence aussi bien que ses paroles. Quand Guillemette effleurait de son bras tremblant la main blanche de Jehan, la rougeur lui montait au front et Jehan baissait les yeux. Tous 2 alors oubliaient la distance qui les séparait. Il y avait tant de pudeur, au reste, dans leur amour, tant de retenue, tant de délicatesse, qu'ils ne dépensaient pas en de vagues projets d'avenir 1 heure de leur bonheur présent. Jamais Jehan n'avait dit à Guillemette « Je t'épouserai ». ni jamais Guillemette n'avait songé à lui demander s'il se promettait de l'épouser. Quant à craindre qu'il en épouse à une autre, elle y songeait bien moins encore. C'était un amour pur, désintéressé, sans calcul des deux parts, qu'aucune mauvaise pensée ne venait attrister. Ils s'aimaient, voilà tout. Si quelqu'un les eût interrogés sur l'avenir de cet amour, ils se fussent regardés, étrangement surpris. Ils ignoraient qu'il existait un avenir dont ils eussent à s'occuper. Quels furent donc l'étonnement et la douleur de Guillemette quand Jehan, encore sous l'impression de la confidence de son père, accourut vers elle tout en larmes lui raconter la triste vérité. Guillemette avait dormi et encore, tout heureuse du rêve, elle se réveillait à l'implacable réalité. « Qu'allez-vous faire, Jehan ? » dit-elle. « Que me conseillez-vous ? Obéir, si vous n'avez ni cœur ni entrailles. « Oh, ne le croyez pas, Guillemette, je résisterai. »« En aurez-vous la force, Jehan ?» Jehan hésita. « Je l'aurai, » fit-il. « Je l'aurai parce que je vous aime, Guillemette. »« Merci, je vous crois, et votre assurance me sauve du désespoir. »« Je vous crois parce que j'ai besoin de vous croire. »« Pensez donc, si vous alliez m'être ravi, que deviendrais-je, moi, qui ne vis que par vous, Jehan ?»« Je ne savais pas ce que c'était que d'aimer. Vous me l'avez appris. » Et maintenant, il me semble que rien au monde ne peut me séparer de vous. C'est comme moi, dit Jehan. Mon père m'a bien parlé de mariage, mais je croyais avoir mal entendu. Il n'est pas possible que j'appartienne à une autre femme que vous, Guillemette. Toutes les femmes me paraissent laides et méchantes. Vous seule êtes belle et bonne, Guillemette. Le soir même, Jehan de Béthune, monté sur son plus beau cheval, accompagnait Messire de Béthune chez la demoiselle Marguerite de Clairvaux. C'était une jeune personne de 20 ans au plus et très jolie. Quoique maîtresse d'une grande fortune, elle paraissait d'une simplicité extrême et n'affichait aucune prétention. Elle était de bonne noblesse et avait droit dans sa juridiction d'assignation pour les paiements, droit de basse justice, étang, moulin banal, et aussi de tutelle ou curatelle. Ce n'était pas peu de choses que tout cela, et cependant elle ne s'en montrait pas plus fière. On eût dit qu'elle était née de la petite bourgeoisie, tant elle parlait avec bonté à ses inférieurs et administrait ses biens avec douceur. Aussi, tout le monde l'aimait fort. Jehan, que son père ramena dans la maison, fut, malgré son amour pour Guillemette, obligé de convenir que c'était là une charmante enfant, que le bon Dieu avait bien fait de doter d'une telle autorité. Tous les paysans travaillant sur les terres où commandait Marguerite étaient heureux. Tous ceux qui l'approchaient étaient touchés des grâces de son caractère, de la bonté de son cœur et des charmes de sa beauté. Jehan, lui rendant bonne justice, ne savait quel moyen employer pour décliner l'honneur d'un tel mariage et le bonheur qu'il promettait. Refuser Marguerite de Clairvaux, cela allait paraître insensé, et cependant, c'était Guillemette qu'il aimait. Heureusement, ce fut son père qui, au premier mot, le tira d'embarras. « J'avoue, lui dit Jehan, que la demoiselle Marguerite de Clairvaux est jeune, charmante et de bel avenir. » « Mais je n'ai point de goût pour le mariage, et si cela était à votre convenance... »« Guillemette sera contente de moi, » pensait le pauvre Jehan, étonné de son audace et tremblant comme s'il eût à répondre à une accusation de son évêque. « C'est-à-dire, messire mon fils, » répondit le vieux comte de Béthune, « que la demoiselle Marguerite de Clairvaux ne vous plaît pas. »« Je n'ai point dit cela, seulement... »« Je vous ai compris. »« Et parler trop serait inutile. » Je vous donne pleinement raison. Cette jeune héritière n'a pas ce qu'il vous faut. Il ne suffit pas d'épouser une gentille femme, il est encore de nécessité d'ajouter par le mariage à ses privilèges seigneuriaux. Marguerite de Clairvaux n'a que droit de basse justice, laquelle ne peut frapper le justiciable que d'une amende n'excédant pas 6 ou 7 deniers. Vous épouserez, messire mon fils, la demoiselle Irène, fille aînée du baron de Coutances. À la bonne heure! « Ce mariage vaut la peine d'y prétendre, et vous aurez droit de haute et basse justice sur toutes les terres de votre dépendance. Maison à 2 puits, à 3 piliers, il y aura créneau à votre châtellenie avec fourche pâtée, 2 magnifiques fourches patibulaires. »« Mais, mon père, » voulut objecter Jehan, « les fourches patibulaires ne font pas le bonheur. » Jehan était un caractère faible. Il eut 1000 raisons sur les lèvres et n'osa en opposer une seule à la volonté paternelle. Le lendemain, il était en présence de la puissante demoiselle Irène, qui lui fait regretter Marguerite de Clairvaux, s'il avait pu regretter tout autre que Guillaumette. La demoiselle Irène avait près de 30 ans, l'âge de l'apaisement, et elle n'en paraissait pas d'humeur plus calme. Laide, violente, orgueilleuse à l'excès, telle était la nouvelle fiancée choisie par le comte de Béthune, et telle elle parut à Jehan, qui, pour être timide, n'était pas sans jugement. Ce dernier, à cette vue, sentit son courage l'abandonner. Son cœur battit davantage au souvenir de Guillaumette, mais la force lui manqua pour résister. Au premier mot d'apparente hésitation, son père lui coupa la parole et le félicita du nouveau mariage qui l'attendait. Il ne parvint à gagner que quelques malheureux jours. Il les passa à se désoler. Le mariage eut lieu car le comte de Béthune était entêté comme un évêque anglican et puissant comme tout seigneur du bon vient-temps de la féodalité. Marié, Jehan s'aperçut bientôt que s'il avait laissé le paradis avec Guillaumette, il avait épousé l'enfer avec Irène. « Il vous faut chasser au faucon, lui dit-elle un jour, et ne jamais quitter vos habits de soie et de velours. Portez constamment votre épée, ne jamais permettre le moindre retard pour vos fermages, et bon an mal an, tuez quelques douzaines de poules à vos paysans. C'est la coutume, et vous n'avez point le droit de vous en dispenser. » Jehan, pour avoir la paix chez lui, suivit de point en point les conseils de l'impérieuse Irène, conseils qu'elle puisait dans les bréviaires de la noblesse interprétée par sa mauvaise nature. Mais bientôt la vie du pauvre garçon ne fut plus supportable. Il lui fallait paraître aux assemblées publiques, parler à voix haute, condamner à l'amende et à des peines corporelles des gens qu'il savait innocents. Jehan n'était point fait pour être un grand seigneur de l'époque, et comme, malgré sa bonne volonté, il n'arrivait jamais à satisfaire les exigences d'Irène, il s'ensuivait des scènes d'intérieur qui achevaient de le briser. Mais ce qui surtout lui était fatal, c'était la rencontre de Guillaumette. L'enfant, longtemps malade, avait donné de grandes craintes pour sa vie. Elle sortait maintenant, appuyée au bras de son bonhomme de père qui, ne comprenant rien à la maladie de sa fille, accusait le diable de lui avoir jeté un sort. Mais depuis que Guillaumette sortait, Jehan s'enfermait dans son château. Il fallait qu'il fût nuit close pour qu'il se hasardât à traverser le pont-levis et à s'aventurer dans la campagne. Irène, qui avait ses agents secrets, apprit bientôt le nom de celle qui occupait le cœur de son mari. On se battait alors pour cause de religion dans un des petits états de l'Allemagne. Irène mit dans la tête de Jehan qu'il était de son honneur d'enrôler 100 cavaliers et de participer à la guerre. Jehan ne s'abusa pas un instant. Il ne se crut ni l'envoyé de Dieu, ni un grand capitaine. Mais il saisit avec empressement l'idée de quitter Irène, espérant en outre que cette expédition changerait le cours de ses idées et lui ferait perdre le souvenir de Guillaumette. Il partit un matin, et prenant le cheval le plus vigoureux de ses écuries et la tête de ses 100 cavaliers armés de lances et de lourdes épées. Il fut 7 mois absent. Quand il revint, ne songeant guère à ses derniers exploits, et l'esprit tout occupé de Guillaumette, sa première pensée fut de s'informer d'elle près d'un page de sa maison. Le page ne savait rien ou ne voulait rien répondre. Jehan s'en alla dans la campagne, et ne trouvant plus à son grand étonnement la ferme de Guillaumette, il interrogea une bonne vieille femme qui mendiait sur la route. « Jésus, mon bon seigneur, lui répondit celle-ci, mais la Guillaumette, elle est morte. « Morte ?» s'exclama Jehan, qui pâlit et faillit tomber à la renverse. « Oh, ne vous désolez pas, mon bon seigneur. Elle n'est pas encore en terre et n'a peut-être pas envie d'y aller. Quoiqu'elle soit bien changée, la Guillaumette n'est morte que par rapport à la raison, mon bon seigneur. Elle est folle. »« Folle ? Oh, c'est une triste histoire. Mais vous, qui m'avez l'air bon et humain, vous ne la raconterez pas à la dame de Béthune et de Coutances, mon seigneur. Car si elle apprenait que c'est de la mendiante noire que vous la savez, elle me ferait couper la langue et attacher un poteau, tout comme à la Guillaumette. » « Comme à la Guillaumette, mais parlez donc. » « Dame, oui. » Après le départ de son vaillant comte, la dame de Béthune fit la vie dure au pays. C'était tous les jours de nouvelles amendes qui ruinaient le paysan et lui retiraient le pain de la bouche. On réclama, mais la comtesse fut sans pitié et fit saisir les meubles et les réserves de ceux qui osèrent se plaindre. « Moi, seigneur, je n'ai pas toujours été mendiante. J'ai eu des fermes et des terres. C'est la dame de Béthune qui m'a jeté sur la grande route. Que Dieu ait son âme. » « Pauvre femme, murmura Jehan, les larmes aux yeux. Votre misère va finir, mais parlez-moi de Guillemette. La Guillemette, son histoire n'est pas longue, monseigneur. Son père mourut d'un coup de sang et la fillette, devenue subitement riche, fit encore fructifier son bien qui lui rapporta gros. Mais elle ne voulait l'abondance que pour autrui, la Guillemette, et riche, elle devint la providence du pays, comme la dame de Béthune en était le fléau. Celle-ci en conçut une sombre jalousie, et comme elle était puissante, elle fit tant qu'elle parvint à ruiner la Guillemette. Les paysans réclamèrent en son nom, et la comtesse de Béthune, outrée d'une telle audace, entra dans une grande colère. Un jour, elle parut se radoucir et attira Guillemette au château. Sans défiance, la jeune fille y alla. Mal lui en prit, car à peine était-elle entrée qu'on se saisissait d'elle, qu'on la liait à un poteau et qu'elle y recevait 50 coups de fouet. Soit des suites de la douleur, soit de l'humiliation subie, quand la Guillemette s'échappa des mains de ses bourreaux et qu'elle rentra dans le village, elle était folle. Le lendemain, elle mettait le feu elle-même à la petite ferme qui lui restait, et assise sur le bord du fossé qui y fait face, les bras pendants, l'œil sec, elle regardait brûler sa maison. Des amis de son père, qui habitent de l'autre côté de la forêt, la prirent avec eux et l'installèrent dans leur logis. C'est là que la Guillemette demeure maintenant. On a grand soin d'elle, mais la pauvre fille ne retrouvera jamais sa raison. Après tout, mieux vaut qu'il en soit ainsi, puisqu'elle n'a plus rien sous le soleil. Ce fut triste et découragé que Jehan rentra au château. À son foyer morose, il retrouva la femme qu'il n'avait jamais aimée et qu'à l'heure présente, il haïssait. Il voulut parler du passé, interroger, se plaindre, commander. Il n'en eut pas la force et s'enferma chez lui sans maudire. Il avait besoin d'être seul et de verser des larmes de rage et de remords. Maudite faiblesse, c'était elle qui était la cause de sa vie perdue, de son avenir à jamais condamné. Dans l'espoir de rencontrer Guillemette, il alla souvent promener ses pas du côté qu'on lui avait indiqué. Mais soit que le hasard s'obstinât à ne le point servir, soit que Guillemette prévint son approche et se déroba à sa vue, Jehan revint toujours seul dans sa demeure seigneuriale. Mais un soir qu'il s'en revenait aussi tristement, il fut étonné de rencontrer dans sa promenade, ordinairement solitaire, quantité de gens qui suivaient la même route comme s'ils allaient en pèlerinage. De plus en plus surpris, il fit appel à un petit paysan qui, tout joyeux, se disposait à gravir la montée. « Mais, monseigneur, dit celui-ci tout naïvement, nous allons chez la Guillemette. Toi, c'est possible, mais cette foule. Elle aussi, monseigneur. Moi, je suis de Céligny. Il y a 3 lieues d'ici, et il en vient de Villiers, qui est à 5 lieues, pour voir la Guillemette. » Jehan ne savait comment interroger l'enfant après une semblable réponse. « Qu'est-ce donc que cette Guillemette ? » fit-il après un effort. « Quel pouvoir d'attirer tant de monde qu'on croirait voir une procession ?»« Mais quoi, Jarny Bleu ? C'est aujourd'hui sa fête, et Guillemette est la sainte du pays. »« La sainte ? Oui, monseigneur. » Et le petit paysan, dans son langage naïf et coloré, conta à Jehan un chapitre inédit de l'histoire de Guillemette. Une bonne vieille femme était tombée malade. Abandonnée par le médecin du pays, elle avait été recueillie par les braves gens chez lesquels demeurait Guillemette. Celle-ci s'était installée à son chevet, et 8 jours après, la malade sortait appuyée sur le bras de Guillemette. 15 jours plus tard, elle était guérie. La brave femme n'avait sans doute besoin que de soins intelligents, et le médecin, en la droguant, n'avait fait qu'empirer son mal. Il était tout naturel que le dévouement de Guillemette eût mieux réussi que la routine du soi-disant savant. Mais tout le canton ne vit qu'une chose, c'est que Guillemette avait guéri un malade abandonné et sauvé un être condamné. Après 2 ou 3 autres faits à peu près semblables, il ne fut bruit dans le canton que de la vertu miraculeuse des soins de Guillemette. Souffrait-on de la moindre douleur, c'était à Guillemette qu'on venait s'adresser. Personne, assurait-on, n'était revenu sans soulagement de ce nouveau pèlerinage. Guillemette n'était donc pas si folle que Jehan le pouvait supposer, au dire de la mendiante noire. Il remercia le paysan et de loin, perdu dans la foule ou plutôt se cachant d'elle, il assista à la fête de Guillemette. Pages, écuyers, valets s'empressèrent autour de lui quand il franchit le seuil de son manoir. Mais il ne vit ni visage souriant, ni front joyeux, ni cordialité fraîche, comme au seuil de la petite maison où il avait entendu bénir le nom de la providence des malades. 8 jours ne s'étaient pas écoulés qu'il fut de grand matin réveillé par des bruits inaccoutumés. Il interrogea, et il lui fut répondu que les médecins, ayant porté plainte contre une maudite sorcière qui leur faisait grand tort et empoisonnait le pays, la comtesse de Béthune l'avait fait saisir la veille et l'avait condamnée à recevoir aujourd'hui même 60 coups de fouet. « Mais ce bruit qui se continue, » dit Jehan, « ce sont les amis de la sorcière qui réclament et menacent votre seigneurie. » La comtesse de Béthune entra. « Madame, » fit Jehan, « je vous prie de faire cesser tout ce tapage à l'instant. Et par quel moyen, s'il vous plaît ?»« En rendant à la liberté celle que vous tenez sous les verrous. Aussitôt que justice sera faite, je croyais avoir dit « à l'instant ». » Étonné d'entendre parler Jehan avec cette autorité, la comtesse voulut lui tenir tête et jura que Guillemette ne sortirait du château qu'après avoir reçu les 60 coups de fouet. « C'est bien, » fit Jehan, qui donna immédiatement des ordres, se passant cette fois du consentement de la comtesse. Les acclamations du dehors qui suivirent aussitôt apprirent à Jehan qu'il était obéi et à Irène qu'elle n'était plus séant la maîtresse absolue. Cette déchéance de ses droits la tortura jusqu'au soir, et elle ne se consola que par la promesse tacite qu'elle se fit que le lendemain même elle serait vengée et qu'elle aurait reconquis un pouvoir qu'elle entendait bien ne pas abdiquer. Quelques heures après, dans l'hydromel que du hanap d'argent on versait dans la coupe d'or de Jehan, il y avait du poison. Mais Jehan n'avait pas soif. Il laissa se reposer sa coupe longtemps avant de la porter à ses lèvres. Puis, triste, il partit et oublia de boire. Soit maladresse ou méchanceté du page, la coupe pleine fut versée dans le hanap de la comtesse et servie sur sa table. Le soir, Jehan trouva sa femme morte. Il eut un soupir de soulagement, suivi d'un cri de désespoir. Il était libre, mais Guillemette était folle. Il monta le cheval le plus emporté de ses écuries et partit au galop. Dans sa course à l'aventure, un immense fossé plein d'eau lui barra le passage. Jehan éprona jusqu'au sang les flancs de sa monture, et cheval et cavalier roulèrent au fond du fossé. Des paysans qui passèrent relevèrent le cavalier et le portèrent à la maison la plus proche. Guillemette demeurait à deux pas. Elle fut appelée et elle soigna le gentilhomme. La Guillemette, décidément, était sorcière. Dieu permit, encore cette fois, qu'elle fît un miracle, car 3 mois après, Jehan était sauvé. Bien plus, toute folie chez elle avait disparu. Il n'en restait plus nulle trace. Et comme il faisait beau soleil le premier jour qu'il sortit, se trouvant encore un peu faible, il s'appuya sur Guillemette et alla avec elle jusqu'à l'église bâtie sur la côte et dont on voyait le clocher des tourelles de son manoir. La foule les suivait et les paysans ne cessaient de crier « Vive la comtesse de Béthune !» C'était d'un mariage bel et bien qu'il s'agissait. Après avoir été fouettée, chassée, méprisée, Guillemette était devenue comtesse de Béthune. Passez à celle-ci, à 3 lieues de Bourges. On vous contera la légende de Guillemette et de Jehan de Béthune. C'est maintenant le seul coin de la France où le paysan regrette encore ses anciens seigneurs. Ainsi s'achève La comtesse de Béthune par Eugène Moret.